ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié, je m'en fous de baser avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Car ma vie, car me joie, pour aujourd'hui.